France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale, cinéma des cahiers. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Pascal Bonitzer et Thierry Jousse. Bonsoir. Bienvenue à vous dans les Nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 6h30 du matin pour cette première nuit spéciale Cinéma des Cahiers, alors que le 69e Festival de Cannes vient de débuter. Comme ils ne célèbrent pas encore cette année leur centenaire, qu'ils ne publient pas prochainement leur numéro 800, bref, puisqu'il n'y avait aucune raison particulière de les fêter, nous avons choisi de consacrer non pas une, mais deux nuits aux Cahiers du cinéma, ou plus exactement au cinéma des cahiers, c'est-à-dire à l'histoire de la revue, à travers quelques-uns de ceux qui l'ont faite, d'une génération à l'autre, par leurs écrits critiques, mais aussi ceux dont les films ont fait cette revue. Pourquoi ce choix? Parce que les cahiers, c'est après tout l'une des grandes revues de l'histoire des revues, sans conteste la plus importante de celles consacrées au cinéma, qu'elle a été au centre de tous ces débats, de toutes ces querelles. Et puisqu'ils existent toujours, feuilleter l'histoire des cahiers, c'est du cinéma survoler l'histoire, en le quittant où bon nous semble, sans devoir écrire le mot fin. Au programme de cette première nuit spéciale, nous entendrons Jacques Doniol-Valcroze et Éric Rohmer, Jean Cocteau, Alain René, Agnès Varda, Jean Narboni et Jean-Charles Takela évoquer André Bazin, François Truffaut, Claude Chabrol, Alfred Hitchcock, Jean-Claude Billette à propos d'Howard Hawks et Dimitri Tiomkin, Jean-Luc Godard, Jean Rouche et enfin Jacques Rivette parler de la religieuse depuis le Festival de Cannes en 1966. Pascal Bonitzer, écrivain, scénariste, cinéaste, vous avez été rédacteur au Cahier du cinéma. Thierry Jousse, réalisateur vous-même, producteur sur France Musique, vous avez été rédacteur en chef des cahiers de 1991 à 96. Vous êtes donc deux anciens des cahiers. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment arrive-t-on au Cahier du cinéma? Pascal Bonitzer. Par désir et par hasard, à la fois, en ce qui me concerne. J'ai connu les cahiers... Par hasard, à l'âge de 14 ans, j'ai découvert un numéro de la revue dans le grenier de la maison de campagne d'amis de mes parents. J'ai été totalement ébloui. C'était en 1962 ou 63, je crois. J'ai demandé à mes parents de m'abonner, tout simplement. Et voilà. Et j'ai été un lecteur assidu jusqu'au changement de formule, c'est-à-dire au moment de la formule Philippe Aki, qui a bouleversé la maquette et qui m'a absolument profondément déplu. Enfin, je pense que j'avais un fétichisme des cahiers jaunes, voilà, qui a été heurté par ce genre de formule. Ça, c'était ma première rencontre avec les cahiers. La deuxième rencontre, elle a été physique avec un rédacteur de la revue, totalement par hasard aussi. Il se trouve que mon frère avait une amie qui était l'amie de Michel Delahaye. Et qu'en 1968, je me suis trouvé dîner avec mon frère, son ami et Michel Delahaye. Rédacteur au cahier. Rédacteur au cahier du cinéma, enfin un des rédacteurs importants de la revue à l'époque. Et que je lui ai dit que j'aimerais y écrire. Et je pensais qu'il allait me rire au nez ou me jeter sa serviette au visage en me demandant comment j'osais formuler une telle demande. Et au contraire, il m'a dit que la revue avait besoin de sang neuf et que si je voulais y écrire, j'étais le bienvenu. Il avait même un article à me proposer sur un film dont il estimait que les cahiers auraient dû rendre compte et n'avaient pas rendu compte. C'était Le Mandat de Ousmane Sambéné, cinéaste sénégalais. J'ai donc été voir Le Mandat, j'ai écrit l'article. À l'époque, je ne savais pas taper à la machine, j'avais 22 ans. C'est ma mère qui a tapé l'article à la machine et j'ai envoyé l'article à Michel Delahaye. Et puis finalement, il a été accepté par la revue. Voilà, ça s'est passé comme ça. Thierry Jousse. Moi, j'habitais en province quand j'étais adolescent à Nantes, enfin autour de Nantes plus précisément, et c'était une époque où on avait un peu de mal à trouver les cahiers du cinéma, disons, de manière rapide et facile, parce que effectivement c'était une période où les cahiers étaient un petit peu plus confidentiels, c'est-à-dire je parle de ça autour de 76-77, et il se trouve que j'avais en fait plutôt connu les cahiers par ma lecture d'un recueil de Truffaut qui réunissait des textes plus anciens, qui s'appelle Les films de ma vie, et qui a été finalement assez longtemps une sorte de bible pour moi critique. Bon, et donc à partir d'un certain moment, j'ai fini par trouver les cahiers en kiosque, et j'étais un peu plus âgé, j'avais une vingtaine d'années, donc j'ai commencé à lire les cahiers au début des années 80, vraiment de manière un petit peu plus assidue. Bon, ça a évidemment joué un rôle important dans la manière dont je voyais les films à l'époque, c'était une époque où la nouvelle vague était encore très présente, puisque Romère faisait un peu son retour, Godard également, enfin bon, il y avait une effervescence. Et puis, j'ai fini par tenter ma chance, comme on dit, parce que ça me démangeait un peu quand même de vouloir écrire dans cette revue qui m'impressionnait, et en même temps pour lequel j'avais une sorte d'appel ou d'appétit, je ne sais pas. Donc j'ai tenté ma chance en envoyant, John Ford disait qu'il était arrivé, toute proportion gardée, à Hollywood par le train, mais c'était plutôt par la poste. Et il se trouve que ces articles m'ont permis je crois qu'il y avait un article sur Téchiné, un assez long article sur Téchiné, sur lequel j'avais essayé de faire une espèce de point, sans doute assez maladroit à l'époque. Et ça a malgré tout attiré l'attention, et voilà. Voilà, j'ai eu un rendez-vous avec le rédacteur en chef de l'époque qui était Serge Toubiana, et puis j'ai commencé à faire, comme chacun, des petites notules. Et je peux dire que les deux premières notules que j'ai écrites étaient sur des films sans doute assez oubliables. Un film de Georges Lautner qui s'appelle La Maison Assassinée, et un autre réalisé par le producteur et réalisateur, donc Ariel Zetoun, qui s'appelait Saxo. Voilà. Pourquoi la critique ? Pourquoi vouloir devenir critique de cinéma ? Je crois que les cahiers ont représenté pour moi, quand je les ai connus, quelque chose de totalement, un ton totalement nouveau, une façon de penser à travers le cinéma qui m'a absolument transporté. Et j'ai eu le désir d'écrire moi aussi dans cette revue. Pas d'écrire en général sur le cinéma, pas d'être critique n'importe où, mais d'être critique au cahier. Ça a représenté véritablement un idéal qui s'est donc réalisé par un coup de chance incroyable, parce que je pense que si j'avais pas rencontré Michel Delahaye, peut-être que rien ne serait arrivé. Il devait y avoir chez moi en tout cas un mélange, enfin un fantasme qui était quand même lié au cahier, qui était aussi, comme j'avais envie de faire des films, que certains nombres de rédacteurs importants, bon, on les connaît tous, les groupes de la Nouvelle Vague avaient fait des films, tout en ayant été critiques. Donc sans doute que dans ma petite tête de jeune adulte ou d'adolescent, il devait y avoir l'idée que entrer au cahier, c'était aussi une façon d'entrer dans le cinéma de manière plus générale. Bon, ça c'est une chose. Et après, je ne sais pas exactement d'où vient le désir d'écrire, sans doute de la lecture des textes de Truffaut dont je parlais auparavant, mais peut-être pas seulement. J'ai eu le sentiment, mais je crois que c'est pour pas mal de cinéphiles comme ça, qu'à un moment donné, on voit beaucoup de films, on en parle avec des amis, ça finit par créer une espèce de climat, disons, intellectuel, ou j'en sais rien, enfin, qui peut mener à l'écriture. Et effectivement, j'ai pas envisagé d'écrire ailleurs qu'au cahier du cinéma, c'est-à-dire que c'était la revue où il me semblait qu'il fallait écrire, ou en tout cas où j'en avais le désir, parce que j'ai jamais imaginé écrire à un Positif ou dans d'autres revues de cinéma. Je pense que d'ailleurs ça c'est un phénomène qui, à mon avis, est assez répandu pour les générations successives de rédacteurs des cahiers. En quoi les cahiers du cinéma, et avant eux la revue du cinéma, proposent-ils quelque chose de nouveau sur le plan critique ? Quel cinéma appellent-ils de leur vœu ? Pascal Bonitzer. C'est une question. Les cahiers ont révolutionné la manière de voir le cinéma. En fait, il y a eu plusieurs moments dans les cahiers. Il y a eu un moment Bazin, il y a eu un moment Romère, il y a eu un moment Truffaut, un moment Rivette. Et à chaque fois, ça a été des infléchissements décisifs. Mais c'était une revue qui pensait complètement différemment le cinéma de toute la façon dont la critique mainstream le pensait. Et c'était ça, je pense, qui était tellement séduisant. C'est-à-dire que la critique mainstream méprisait des cinéastes comme Hitchcock et Hawks, qui considéraient comme des faiseurs commerciaux. Et les cahiers disaient que non, la pensée du cinéma, c'était là. C'était dans leurs films qu'elles se faisaient. Par leur mise en scène, c'était des grands artistes et aussi des penseurs de la réalité. Et cette façon de voir était totalement minoritaire au moment. Et c'était ce caractère minoritaire, mais conquérant, qui était, je crois, fascinant pour toute une génération. J'ai l'impression aussi que l'émergence des cahiers qui se fait à partir de la revue du cinéma qui avait juste disparu auparavant, enfin c'est quelque chose qui se fait aussi dans un contexte culturel qui est celui de l'après-guerre, où il y a une effervescence intellectuelle assez forte, une espèce de renouveau, bon, qui est assez logique après ce moment de la Deuxième Guerre mondiale, et le cinéma échappe pas à ça. Il faut aussi dire qu'il y a donc pas de film américain pendant toute la Deuxième Guerre mondiale en France, et tout d'un coup il y a quand même une masse de films qui débarquent, de Citizen Kane aux films de Hitchcock effectivement, et pas mal d'autres cinéastes plus ou moins importants, et je pense que ça a constitué pour les gens qui ont été à l'origine des cahiers, ou en tout cas qui en ont fait le ferment, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les jeunes turcs, mais aussi effectivement Doniol, Bazin et Pierre Caste et d'autres, ça a été une espèce de façon de se revendiquer, de trouver aussi une identité qui était extrêmement forte, parce que c'était quelque chose aussi qui allait contre l'opinion dominante, comme disait Pascal Bonitzer. Donc, et puis il y avait sûrement chez tous les, enfin en tout cas chez un certain nombre de ces rédacteurs, le désir de faire des films déjà, j'ai l'impression, assez tôt, qui devait passer par l'écriture avant d'aller dans l'étape suivante, il me semble. Donc, puis il y avait ce goût de l'écriture aussi qui me paraît très fort, parce que Les Cahiers, c'est quand même une revue très écrite à cette époque, enfin ça devrait l'être à chaque époque, d'ailleurs ça a dû l'être à chaque époque, mais c'est particulièrement à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi presque un projet littéraire, enfin Romer a publié un roman d'ailleurs juste avant, il était un peu plus âgé que les autres, il avait aussi peut-être une culture littéraire plus développée, donc le désir d'écriture était aussi, me semble-t-il, très fort, et puis il y avait quelque chose qui finalement a été assez en avance peut-être par rapport à ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire il me semble le désir de renverser les hiérarchies, c'est-à-dire de faire passer ce qui était mineur en majeur, et peut-être pas réciproquement, mais en tout cas, voilà, l'idée que le cinéma, et notamment le cinéma américain, même s'il n'y avait pas que ça, devait être quelque chose qui avait autant de valeur, autant d'importance que le grand art, occidental. Oui, comme le disait Thierry, le cinéma dans les années 50-60 était un art émergent, comme on parle aujourd'hui de pays émergents, c'est-à-dire il n'était pas encore totalement reconnu par la culture dominante comme un art à part entière, et Les Cahiers affirmaient avec force que c'était un art à part entière aussi digne que les arts reconnus comme tels. C'était tout à fait nouveau. Aujourd'hui, c'est une chose plus ou moins admise, mais enfin relativement admise, et à l'époque ça l'était pas du tout. Juste pour compléter ce que disait Pascal, j'ai l'impression qu'effectivement, ce qui aurait pu être une des possibilités pour la critique de l'époque, c'était de défendre le cinéma comme art, mais en tant qu'il est un peu imitatif des autres arts, peinture, et notamment et théâtre, littérature. Et en fait, le geste radical des cahiers de l'époque, c'est d'avoir dit que le cinéma, c'était à partir de son essence en quelque sorte, et de son industrie également, pour une part, que le cinéma était un art. Donc c'était vraiment un renversement très fort. Bon, ils n'étaient pas les premiers à avoir dit ce genre de choses, mais ça prenait une importance toute particulière dans l'immédiate après-guerre. Avant, il y avait eu les surréalistes, il y avait eu des gens comme Epstein, il y avait eu des... en France, Louis mais... Louis de Luc, oui. Mais là, ça a été un moment, en tout cas, qui correspondait aussi à toute une génération, ce qu'on appelait la cinéphilie, qui prenait goût à la culture tout simplement à travers le cinéma. Nous avons voulu que Cocteau figure au programme de cette nuit. C'est quelqu'un d'important dans ce qui se passe dans le cinéma, autour du cinéma, à cette époque. J'ai l'impression que oui, parce que d'abord il a été une sorte de parrain un peu pour Truffaut, mais pas seulement. Il a été le président d'honneur d'un festival important, Objectif 49, ou le Festival des films maudits à Biarritz, qui a été voilà un moment où se sont retrouvés justement tous ces jeunes cinéphiles, et Cocteau était un peu une figure tutélaire, puis il représentait quand même, alors là tout à fait dans un autre style que les Américains, un des auteurs français, même s'il faisait pas beaucoup de films et que c'est une espèce de figure comme ça assez inclassable. Enfin, quand même, c'était un auteur français à part entière, c'est-à-dire qui vraiment faisait des films à partir de lui-même. Donc, je pense que pour, notamment pour toutes ces raisons, et puis après, j'imagine que certains rédacteurs des cahiers de l'époque, et en particulier, je disais Truffaut, devaient être un peu plus attirés, parce qu'après, le cinéma de Cocteau est un cinéma très à part qui peut aussi ne pas être tellement dans une ligne éventuelle des cahiers de l'époque, mais je pense que la figure de Cocteau a été finalement peut-être même plus importante que ses films. Truffaut a produit son dernier film, hein, le Testament d'Orphée. Oui, c'était une figure importante, mais je crois que vraiment les cahiers aimaient son cinéma de poésie, enfin sa façon de transgresser les frontières, les genres, avec des films comme Orphée ou La Belle et la Bête. Je sais une chose, en tout cas, c'est que Rivette, puisque il faut parler de Rivette à un moment, Rivette a eu envie de faire du cinéma en lisant, non seulement en voyant La Belle et la Bête, mais surtout en lisant le journal de La Bête, de la Belle et la Bête fait par Cocteau. Ce que racontait Cocteau, ce journal de tournage qui a été un tournage terrible, où Cocteau a été malade, où Jean Marais a eu a souffert le martyr avec son déguisement de bête, ça a totalement fasciné Rivette, et c'est ça qui lui a donné envie de faire du cinéma. Aujourd'hui, on installe volontiers les petits-enfants bien élevés devant La Belle et la Bête, mais on ne voit plus vraiment les autres films de Cocteau. Quelle est sa postérité de cinéaste ? C'est difficile à cerner, mais il y en a. Je pense que Carax se réclame même explicitement dans un de ses films, dans Mauvais sang, de Cocteau. Brissot et ses fantômes, peut-être. Oui. Enfin, je veux dire, toute une partie, disons, de ce que Pasolini appelait le cinéma de poésie, le cinéma de Cocteau infuse dans une partie du cinéma, pas la plus grande, évidemment pas la plus grande partie, mais enfin elle est importante, je crois. Oui, parce que j'allais dire, c'est un cinéaste dont la postérité est parfois allée dans des directions très, entre guillemets, marginales, parce qu'on pensait à un cinéaste comme Adolfo Arrieta, espagnole, qui a été, lui, me semble-t-il, et qui est venu à Paris dans les années 70, qui, lui, me semble-t-il, a été très, très marqué par Cocteau, et qui est peut-être un des héritiers les plus directs, mais dans un contexte presque, pas expérimental, parce que c'est pas le mot, mais enfin, en tout cas, assez marginal. Bah, de toute façon, il y a dans le cinéma de Cocteau un côté cinéma expérimental qui a marqué aussi d'autres cinéastes ou tendances expérimentales. Mais paradoxalement, je vois pas beaucoup son influence directe sur la nouvelle vague à proprement parler. Peut-être chez Godard à certains moments, mais chez Truffaut par exemple, qui était peut-être son plus grand défenseur, même chez Rivette, je vois pas forcément directement. Peut-être chez Rivette un peu dans les années 70, dans les films qu'il a pu faire comme Duel ou Norrois peut-être. De toute façon, une influence n'est pas forcément ne se voit pas forcément dans des imitations de l'auteur. Elle est dans une imprégnation. C'est pas nécessairement par l'imitation de figures de style ou d'un certain type de fiction que ça se voit. Évidemment, André Bazin, l'un de ses fondateurs, figure au programme de cette nuit autour des cahiers du cinéma, avec une émission qui s'attache plutôt à la personnalité de Bazin. Qui était Bazin? Quelle était sa formation? À quel courant de pensée peut-on le rattacher? Non, André Bazin, d'abord, est l'un des fondateurs des Cahiers du cinéma. On sait qu'il a été marqué d'abord par son expérience d'animateur de ciné-club, qui, à la fin de la guerre, découvrait, en même temps que le monde, le néo-réalisme italien, qui l'a énormément marqué. Et il en a déduit toute une esthétique, une philosophie du cinéma, donc qui peut se résumer comme ça pour aller vite dans la formule qui citait volontiers de Rossellini, les choses sont là, pourquoi les manipuler? C'est-à-dire un cinéma à l'opposé à la fois du cinéma soviétique de l'époque héroïque et du cinéma américain, c'est-à-dire un cinéma de l'efficacité, du montage. Le néo-réalisme italien était un cinéma qui laissait être les choses, les êtres, qui privilégiaient plutôt le plan séquence. André Bazin a été un grand, défenseur du plan séquence comme expression d'une sorte de démocratie visuelle qui ne forçait pas le spectateur à aller dans le sens que le film voulait, mais qui le laissait libre en quelque sorte devant l'écran. Bon, moi je le rattacherais idéologiquement de façon un peu sommaire à une sorte de gauche catholique. Existentialisme chrétien, ouais, on peut dire. Pas mal marqué par la revue Esprit, à mon sens. Donc c'est quelque chose, il me semble que quand même, quelque chose qui est de l'ordre de... Enfin, il parle quand même de la révélation à travers même la pellicule. C'est aussi un... Donc ça a quelque chose à voir quand même avec... et l'incarnation aussi, quelque chose aussi très marqué dans la pensée de Bazin, c'est quand même à voir avec la question, une sorte de question... religieuse, ou en tout cas ça c'est souterrain, et en même temps c'est quelqu'un qui est tout à fait laïque par ailleurs, donc et je trouve assez fascinant dans la figure de Bazin, que je n'ai évidemment pas connu, c'est l'idée qu'il est à la fois un espèce d'animateur infatigable qui court quand même les ciné-clubs, qui a une activité de militant assez vraiment importante, et en même temps que c'est un théoricien presque pur et dur, en tout cas qu'il a vraiment été jeté les bases quand même théoriques de ce que seront les cahiers, peut-être avec Romer, mais en tout cas lui particulièrement. Donc il y a cette espèce de double postulation chez lui qui est assez unique, me semble-t-il, parce que je suis pas sûr qu'on pourrait lui trouver un équivalent ensuite. Il a formulé une sorte de première doctrine pour les cahiers du cinéma, et il faut dire qu'il l'a formulé aussi remarquablement parce que c'était aussi un écrivain. C'est un des critiques dont le style est extrêmement fort. Enfin, tous les écrits de Bazin peuvent être lus aujourd'hui. Il n'y a pas seulement de la pensée, il y a aussi une frappe, il y a un style. Enfin, il y a quelque chose de très brillant dans son écriture. Et c'était aussi effectivement une sorte de militant du cinéma. Il était malade, comme on sait, il était tuberculeux, et il en est mort assez tôt, malheureusement trop tôt pour voir les 400 coups de son fils spirituel, enfin de Truffaut, qu'il avait recueilli, accueilli et protégé. J'ajouterais une petite chose juste sur la question du goût, qui est centrale quand même. Bon, déjà pour la critique en général. Et notamment pour les cahiers à l'époque, c'est peut-être pas Bazin qui est vraiment celui qui fait référence. Truffaut dit d'ailleurs qu'il pense d'ailleurs qu'il se trompait souvent. Oui, probablement. Oui, mais ça, tout le monde se trompe souvent. Romer a été plus important, il me semble, et Rivette aussi. C'est-à-dire que ce sont quand même des gens qui ont joué intellectuellement un rôle du point de vue, en tout cas, de l'élection des films, c'est-à-dire ou des auteurs, même plus particulièrement. Ils viennent après. Oui, c'est quand même c'est ça qui est frappant, c'est que. En faisant entrer ce qu'on appelait les jeunes turcs dans la revue, André Bazin a subi aussi une sorte de parricide intellectuel, puisque précisément ce que des gens comme Truffaut, Chabrol, Godard, les films qu'il prônait, étaient des films qui restaient pour Bazin tout à fait étrangers à son monde cinématographique. Hitchcock et Hawks, pour Bazin, c'était pas son cinéma. Pour lui, c'était Rossellini, William Wyler, qui est pas un cinéaste finalement aussi important que ce qu'il croyait. Et il se trompait aussi sur Welles, qu'il a beaucoup aimé, mais où il voyait un grand artiste du plan séquence, alors qu'on voit aussi que Welles est un très très grand monteur et manipulateur. Mais peu importe, enfin je veux dire, le fait de se tromper, je veux dire, tout le monde se trompe. On connaît cette phrase, il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron, enfin bon, qui est mutatis mutandis, il valait mieux se tromper avec Bazin qu'avoir raison avec Benayoun, voilà. Si tant est que Benayoun avait raison, ce qui n'est pas sûr. Pour raviver des polémiques très très très très vieilles. Peut-on dire que pour Bazin, le cinéma n'existe pas s'il n'est pas humanisme? C'est une question... Faudrait lui demander. Mais je pense que oui, c'était un humaniste chrétien. Et effectivement, le néo-réalisme pour lui exprimait l'essence de cet humanisme, en particulier avec Rossellini. Et d'ailleurs, on entendra Rossellini. Est-ce qu'on peut dire que Rossellini et Renoir aussi font le lien entre Bazin et les jeunes critiques des années 50? Ces deux cinéastes ne sont-ils pas la meilleure expression de la nature de ce lien? Oui, sûrement, sûrement, d'autant plus. Bon, de toute façon, c'est Rossellini et Renoir ont joué un rôle aussi, évidemment, comme cinéaste tutélaire, sûrement pour Bazin, mais également pour tous ces jeunes rédacteurs des cahiers de cette époque. Je pense qu'ils ont joué aussi un rôle même plus direct parce que ils étaient présents physiquement aussi à partir d'une certaine période. Rossellini, Truffaut était secrétaire de Rossellini pendant une période où il faisait pas de film, d'ailleurs, apparemment, ce qui est assez amusant. Mais il a pu voir l'homme à l'œuvre, et Renoir. Il y a cette fameuse anecdote là où ils vont tous voir sa mise en scène de Jules César à Avignon avec Brialy, mais aussi tous les jeunes rédacteurs des cahiers. Donc on sent bien que Renoir et Rossellini, c'est même des incarnations vivantes de ce que doit être le cinéma à l'époque pour eux, et des modèles aussi. C'est-à-dire que c'est à la fois des maîtres et en même temps des maîtres qui sont pas intimidants, j'ai l'impression. C'est-à-dire oui, je crois qu'ils étaient intimidants. Ils étaient sûrement intimidants, mais en même temps ils avaient le côté c'était une espèce de contamination pour mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'il y a un côté encouragement en même temps bienveillance aussi par rapport à ces jeunes gens. Donc du coup, il faut quand même dire que Renoir et Rossellini, qui sont des cinéastes évidemment majeurs de cette période notamment, c'était pas non plus c'était des cinéastes qui étaient à l'époque presque un peu pas marginaux, mais enfin qui étaient pas tellement reconnus dans cette période-là, en tout cas dans les années 50. Bon, Rossellini avait évidemment Rome ville ouverte, tout ça, mais après ça s'est quand même beaucoup dégradé. Et Renoir était dans une période assez incertaine. Il revenait des États-Unis, il avait fait le fleuve. Bon, c'était des période où c'était des cinéastes qui n'étaient pas très, très, tellement reconnus malgré le statut qu'ils pouvaient avoir. Rivette a été assistant, enfin je pense le troisième assistant ou assistant stagiaire de Renoir sur French Cancan. Et il me racontait que le producteur venait souvent en disant « ça on tourne pas ». Et Renoir disait très bien, et il prenait le scénario, il déchirait les 5 pages. Concerné. Et le film s'est fait comme ça. Mais effectivement, Renoir n'était pas un cinéaste tout puissant à l'époque. Enfin, French Cancan a été un film avec Gabin qui a eu un certain succès. C'était le film de son retour en France, d'ailleurs. C'était le film de son retour en France, après le fleuve. Et quant à Rossellini, bon, ben, on sait que, je veux dire, après l'explosion, disons, de Rome ville ouverte, sa rencontre avec Ingrid Bergman a été finalement néfaste en termes de carrière pour lui, à la fois pour Bergman et pour lui, même si ça leur a permis de faire leur plus beau film. Voilà, ça c'est les paradoxes du cinéma. En avril 51, paraît le premier numéro des cahiers, avec en couverture Sunset Boulevard de Billy Wilder, dont l'éditorial s'oppose, je cite, « à une neutralité malveillante qui tolère un cinéma médiocre, une critique prudente et un public hébété ». Mais pour autant, le ton des premiers numéros n'est pas excessivement polémique. Parce que la revue est à l'époque quand même c'est quand même Doniol qui est un des fondateurs, bon, et Bazin qui comme l'a dit Pascal tout à l'heure était pas la personne la plus tournée vers justement ce cinéma américain qui va être quand même les auteurs américains qui vont être quand même le ferment de cette période là. Donc oui, je pense qu'on sent que c'est moi j'ai pas lu l'intégralité des cahiers de l'époque, mais enfin j'en ai lu des parties, on va dire. Il me semble que la revue, dans les 2-3 premières années, se cherche encore. C'est-à-dire qu'on a plusieurs influences, il y a des rédacteurs qui vont pas continuer. Bon, enfin, on sent que c'est une revue qui commence à émerger. C'est sans doute, bon, en général, on date plutôt le moment où les cahiers se dégagent avec l'article de Truffaut, donc une certaine tendance du cinéma français qui a dû paraître, je crois, en 54. 54. Me semble-t-il. Donc, en général, on peut voir effectivement que les 2-3 premières années, c'est un moment d'émergence, mais les choses sont pas encore totalement là, on va dire, quoi. Bah, c'est-à-dire, il y a des signatures très diverses qui coexistent, hein. Il y a des gens comme Pierre Caste, qui est un intellectuel de gauche, ce qu'on appelle dans la mouvance sartrienne. Il y a des gens comme Ado Kirou, qui lui est plutôt l'influence surréaliste. Il y a aussi Romère, dont on sait que lui, la gauche n'est pas exactement son... le côté où il se situe, et puis voilà, il y a Doniol Valcroze qui est une sorte de qui coiffe un peu tout ça de sa bienveillance généralisée, mais qui n'a pas de doctrine à proprement parler. C'est avec la Jeune Garde que ce ton polémique apparaît davantage. C'est l'arrivée disons de Truffaut, Godard, Chabrol, qui donne un tour d'abord polémique, effectivement, que les Cahiers n'avaient pas dans leur premier numéro, je crois. Oui, avec caisse de résonance quand même aussi de cet article de Truffaut qui semble-t-il a mis du temps à être publié. C'est quand même que ça donne une, aussi probablement une visibilité aux Cahiers qu'il n'avait pas avant, et ça permet aussi d'asseoir les jeunes rédacteurs dans leur position, dans leur posture critique. Donc ça, effectivement, ça change beaucoup de choses dans la manière dont la revue bascule dans une, et puis avec effectivement une ligne beaucoup plus affirmée à partir de là, quoi. Comment doit-on comprendre aujourd'hui, dans un temps où l'on ne se dispute plus vraiment autour d'un film, la nécessité d'en découdre aux besoins... Si on se dispute, ça arrive encore. Moins, beaucoup moins, aux besoins avec violence des jeunes critiques des années 50, de ceux que l'on appelait les jeunes turcs. Comment expliquer ? Il y avait une envie d'en découdre de toute façon, oui, avec une sorte d'establishment qui était plutôt d'ailleurs un establishment de gauche, faut dire, puisque quand même l'influence du Parti communiste était considérable après-guerre dans la vie intellectuelle française, et on sent bien que dans les Cahiers de l'époque, alors après on peut discuter jusqu'à quel point ils étaient de droite ou pas, bon ça c'est un débat qui a jamais été tranché. Sachant il y a eu beaucoup de changements dans les Cahiers, il y avait une part de... Juste pour terminer, il y avait une part de dandysme quand même, il me semble aussi, dans l'attitude, même si c'était fondé sur des arguments critiques et intellectuels très, très solides, et surtout une finesse d'analyse et une vision. Enfin, il faut d'abord être traversé par les films aussi, je pense, par le cinéma, pour pouvoir écrire quelque chose qui tient la route. Donc il y avait quand même ça, mais il y avait aussi ce dandysme qui s'opposait, voilà, à une sorte d'establishment critique ou intellectuel. C'est vrai qu'une certaine tendance du cinéma français, donc, était un article très très mûrement réfléchi et longuement mûri par Truffaut, a été une arme de guerre qui a eu un retentissement considérable. Enfin, ça a fait un scandale dans le Landerneau du cinéma. C'était toutes les valeurs reconnues du cinéma qui étaient mises en pièces, et qui étaient pour l'essentiel d'ailleurs des scénaristes très très très très estimés, très célèbres, etc., qui ont été extrêmement déstabilisés par cet article. D'ailleurs, c'est ce qui est frappant aujourd'hui, comme ça, vu de loin, on pourrait dire, historiquement parlant, c'est qu'on a du mal à s'imaginer qu'un article comme celui-là, même fut-il aussi, disons, dévastateur à un certain niveau, et aussi polémique, ait autant d'impact sur, au fond, une industrie du cinéma français qui était assez, quand même établie, qui ronronnait sans doute pas mal, et qui avait ses... Voilà, et ça paraît presque... Enfin, moi, ça m'a toujours paru presque étrange, l'impact, et en même temps, ça dit quelque chose du pouvoir des revues, d'une revue comme les Cahiers, ou du pouvoir des revues même tout court, du pouvoir de l'écrit aussi, parce que quand même ça crée un vrai effet dans le réel, quoi. Oui, alors cet effet a évidemment été amplifié, enfin il y a eu un effet de levier considérable quand les auteurs de ces articles se sont mis à faire des films. C'est-à-dire qu'il y a eu et là pour le coup le coup de vieux qu'a pris le cinéma français traditionnel a été absolument décisif et dévastateur. C'est quand même la nouvelle vague a été a corroboré la vérité, disons, de l'article de Truffaut par la pratique, avec les succès des 400 coups et de À bout de souffle essentiellement. Qui ont fait un effet de souffle absolument considérable dans la profession. Finalement, tous ces cinéphiles et donc futurs cinéastes pour la plupart, ils étaient très marqués quand même par les. Évidemment, ils avaient vu que des films français puisqu'il n'y avait pas de films américains à l'époque. Donc, ils aimaient quand même beaucoup, je pense, oui, les grands films français de l'occupation, c'est-à-dire Le Corbeau, Les Enfants du Paradis, qui était un film qui comptait considérablement. Alors que, évidemment, aujourd'hui, on sait bien que la règle du jeu, et ça a été le cas d'ailleurs à partir d'une certaine époque, et a pris le pas sur, en tout cas pour une génération et pour pas mal de cinéphiles, a pris le pas sur Les Enfants du Paradis. Et mais c'est quand même ce paysage du cinéma français de l'occupation, il a quand même joué un rôle pas négligeable chez tous ces jeunes civils, parce que c'est logique, ils étaient jeunes, ils voyaient des films à cette époque, et donc forcément, après on peut d'ailleurs s'interroger sur sur comment ces films-là ont vieilli et qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à cette génération-là, mais je pense que c'est vraiment le cinéma français d'après-guerre la sclérose, on va dire, d'un certain type de cinéma français qui a été mis en pièces par cette génération-là. Après, voilà, et je pense qu'il y a effectivement, ça je l'ai déjà un peu dit, la réaction contre disons l'influence communiste aussi très très dominante d'immédiate après-guerre qui a dû en agacer plus d'un. C'est-à-dire que Truffaut est intéressant là-dessus parce qu'on sent qu'il est c'est pas vraiment quelqu'un qui a un engagement ou une vision politique extrêmement forte. Je crois que c'est pas son truc, comme on dit, mais en même temps il admire à la fois Rebattet, qui est quand même à la fois une figure quand même très très sulfureuse de l'adolescence. En même temps il signera plus ou moins le manifeste des 121 parce qu'il admire beaucoup Sartre aussi. Alors c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est pas fixé de manière totalement claire et nette, quoi. Le principal cheval de bataille de cette génération, de cette époque, c'est la politique des auteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette histoire de politique des auteurs aujourd'hui? Ce débat autour de la notion d'auteur a-t-il encore un sens? Vaste sujet. Oui, vaste sujet. La politique des auteurs, d'abord, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire aujourd'hui. Hein, c'est ça. C'est ce que ça voulait dire. Si on résume très, peut-être de façon un peu simplificatrice, mais enfin, ça veut dire que le vrai auteur d'un film, c'est le metteur en scène, que c'est sa signature de metteur en scène qui en fait l'auteur, c'est pas l'auteur du scénario. Il y a toute une tendance qui perdure aujourd'hui, mais qui a changé de sens, qui dit que, en fait, un bon cinéaste, c'est un bon technicien qui met en scène de façon efficace un bon scénario. Et que la pensée du cinéma, elle est d'abord dans le scénario. Bon, les gens de la Nouvelle Vague ont balayé cette idée en disant que des gens comme Hitchcock, ils étaient auteurs par la mise en scène et que c'était eux qui dictaient ce qu'était le scénario et que ça se voyait, alors que dans le cinéma français qu'ils honnissaient, c'était le scénariste qui était considéré comme le véritable auteur et le cinéaste comme la mise en scène adéquate de ce scénario. Et ça, c'était la politique des auteurs a consisté à dire le scénario en soi c'est rien. Ce qui compte, c'est la mise en scène, et les auteurs, c'est les metteurs en scène. Et les metteurs en scène, tout le monde n'est pas metteur en scène. Les grands metteurs en scène, on les reconnaît par la frappe de leur mise en scène, et ils donnaient donc comme exemples principaux Hitchcock et Hawks, dont les scénarios étaient souvent l'objet de dérision de la part de la critique dominante. Alors c'était ça, la politique des auteurs. Aujourd'hui, en plus, il y a quand même un phénomène qui est récent, mais qui va tout à fait à l'encontre de cette idée-là, c'est les séries, où on sait que quand même les véritables auteurs, c'est un scénariste avec une équipe, et que le metteur en scène est pratiquement interchangeable. On parle de grandes séries, je ne sais pas jusqu'à quel point les séries sont bon. Mais c'est vrai qu'il y en a des passionnantes, et là, il est évident que l'auteur, c'est le scénariste. C'est pas le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est n'importe qui. Moi, je vais peut-être ajouter une chose sur l'expression politique des auteurs. Il me semble qu'on a plus retenu, on n'a pas assez pris en compte le mot politique dans politique des auteurs, parce que quand même, faut remettre ça dans ce contexte, encore une fois, dont on a déjà parlé. C'est-à-dire, la politique des auteurs, ça veut dire quand même que c'est une arme de guerre, ou en tout cas que c'est quelque chose qui a une forme il faut défendre une idée, qui n'est pas établi. Et donc il y a quelque chose, il y a un combat dans l'idée de politique, quoi. Il y a un combat à mener qui d'une certaine manière, à partir d'un moment, est gagné dans les années 60. Enfin, j'ai l'impression que le combat est gagné parce qu'effectivement, il y a eu tous ces articles, ensuite les films qui en ont suivi. Donc d'une certaine manière, l'idée d'auteur, elle est imposée dans le cinéma et presque plus personne la remet en cause. Enfin, oui, enfin, ce qui est amusant, c'est quand même que le cinéma américain, qui était tellement prôné par les cahiers, n'a jamais admis cette notion. Dans le cinéma américain, c'est le scénario qui est tout. Alors, il faut évidemment qu'il y ait aux commandes quelqu'un qui le prenne en charge, mais dans le cinéma américain tel qu'il est aujourd'hui, le scénario est tout. C'est vrai, mais par contre, la génération des années de ce qu'on appelle maintenant dorénavant le nouvel Hollywood n'a existé que parce qu'il y avait eu la nouvelle vague avant. Absolument. Et du coup, les cahiers quand même. Donc quand même, cette notion d'auteur, elle a infusé très largement. Elle a eu un impact, effectivement, disons au début des années 70, dans le cinéma américain, quand le vieil Hollywood s'est écroulé, avant qu'il ne soit reconstitué sous une nouvelle forme, disons par Spielberg, Lucas, etc. C'est vrai que la nouvelle vague a eu une influence décisive. Pascal Bonitzer et Thierry Jousse, merci. Nous allons donc écouter les archives qui composent la première partie de cette première nuit spéciale Cinéma des Cahiers. Dans un instant, les Cahiers du cinéma par Raphaël Sorin et Gérard Guégan pour Revue et corrigée en 1976. Jean Cocteau parle du métier d'auteur de film au micro de René Villemay dans Plein Feu sur les spectacles du monde en 1950. La deuxième partie des Profils perdus consacrée à André Bazin par Jean-Pierre Pagliano en 1988, Roberto Rossellini en 1977. Et juste avant de nous retrouver pour la suite de cette première nuit spéciale Cinéma des Cahiers, nous écouterons François Truffaut, Souvenir d'une jeunesse cinéphile, dans le cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe en 1976. Nous retrouverons dans un peu plus de 2 heures pour la suite du programme de la première nuit spéciale Cinéma des Cahiers. À tout à l'heure.